Pris sur le vif. Écoutez. Bonjour, monsieur. À quelle heure y a-t-il des trains pour Le Mans le matin? Vous avez un train au départ de Paris à 7h13. Pouvez-vous me donner son heure d'arrivée? 9h30. Merci. Et après? 8h15, arrivée 10h03. 11h13, arrivée 13h. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Répétez. Bonjour, monsieur. À quelle heure y a-t-il des trains pour Le Mans le matin? Vous avez un train au départ de Paris à 7h13. Pouvez-vous me donner son heure d'arrivée? 9h30. Merci. Et après? 8h15, arrivée 10h03. 11h13, arrivée 13h. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Écoutez. Mademoiselle, s'il vous plaît, à quelle heure le prochain avion pour Marseille? À 18h30. Mais avez-vous une réservation? Hélas, non. J'ai raté l'avion de 13h40. Le vol de 18h30 est complet, mais il y a encore des places sur le vol de 20h. D'accord. Merci, mademoiselle. Répétez. Mademoiselle, s'il vous plaît, à quelle heure le prochain avion pour Marseille? À 18h30. Mais avez-vous une réservation? Hélas, non. J'ai raté l'avion de 13h40. Le vol de 18h30 est complet. Mais il y a encore des places sur le vol de 20h. D'accord. Merci, mademoiselle.